France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est la panique au Mangin Palace, épisode 186. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 3 janvier 2010, 11h06, bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es grosse pluie diluvienne ou petit crachin breton. Tu es Benjamin Franklin sous l'orage. Tu es temps de chien ou 37,2 le matin. Tu es blizzard. Vous avez dit blizzard. Tu es dans l'œil du cyclone et tu es aussi... T'es au courant? Le groupe va lancer une nouvelle chaîne. Une idée géniale. Une chaîne météo qui donne uniquement le temps 24 heures sur 24. Quand j'étais gosse, ça existait déjà, un truc comme ça. Ça s'appelait une fenêtre. Oui, tu l'auras compris, l'ami, ce matin, tu es conditions atmosphériques et tu présentes la météo. Avant tout, connais-tu ce célèbre proverbe paysan? Quand le crapaud chante en janvier, serre ta paille métayée. Eh bien, très intrigué par ces rustiques dictons météorologiques, à l'heure où les grands de ce monde s'inquiètent du réchauffement de la planète, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de te rediffuser cette émission que nous avions consacrée à cette science qui tente de prévoir le temps qu'il va faire. Et pour commencer d'ailleurs, de la danse de la pluie au parapluie de Cherbourg, nous chercherons à comprendre quelles relations les hommes entretiennent avec le temps qu'il fait. Ensuite, nous consacrerons quelques minutes à décrypter ce moment clé de ton quotidien, à savoir le fameux bulletin météo. Et dans la foulée, justement, nous retrouverons une star oubliée de cet exercice télévisé, plantée devant sa carte de France, le poétique Michel Cardoz. Et puis, face au risque d'une pluie torrentielle, d'un véritable déluge pour le Parti Socialiste, nous te révélerons pourquoi Bertrand a décidé de construire Fissa, l'Arche de la Noé. Mais qui pourra monter à bord? Et enfin, nous prendrons la route en direction de Grosboul-les-Bains, où Monique trouve très mystérieuse l'attente impatiente du Jean-Claude qui ne souhaite qu'une chose, voir tomber la pluie. Une seule mission: tentez de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et météo les isobars. Better hurry up, 'cause tonight for the first time, just about half. It's Raining Men, c'est ce dont se réjouissaient en 1982 les Weather Girls. Et quand il pleut des hommes, bien entendu, ben, il pleut, elle mouille et c'est la fête à la grenouille. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé de te parler de la pluie et du beau temps et de consacrer cette émission à un sujet qui ne peut fâcher personne, à savoir la météorologie. Et pour commencer, il faut revenir durant quelques minutes sur les relations intimes que les hommes entretiennent avec leur environnement atmosphérique. Le temps qu'il fait, et surtout le temps qu'il fera, est l'une des préoccupations majeures, sinon la principale, des sociétés humaines qui furent, il y a peu de temps encore, essentiellement agricoles. En effet, une pluie persistante fait pourrir les semences et un orage peut détruire les récoltes en quelques minutes. Dès lors, toutes les manifestations atmosphériques, quand elles ne sont pas scientifiquement comprises, sont interprétées comme des manifestations divines. Avec le dieu Ra en Égypte, ou bien Apollon sur l'Olympe, le soleil occupe une place centrale dans les croyances religieuses. Et chez les Incas, de jeunes femmes enlevées à leur famille, les Aklas, sont les vierges du soleil. Dès que je t'aperçois, je m'approche de toi, je me déshabille sur le sable chaud. Soleil ne m'oublie pas, mais parfois c'est plutôt soleil casse-toi de là, surtout quand les Amérindiens se lancent dans la danse de la pluie. L'importance des phénomènes météorologiques, dont les hommes ont toujours été tributaires, ont conduit chaque groupe humain, selon son environnement et son terroir, à faire moult observations qui nous offrent encore aujourd'hui les fameux dictons météo. De même, les hommes ont enrichi leur vocabulaire pour décrire le temps qu'il fait. Ainsi, le peuple des Inuits dispose de centaines de mots pour désigner la neige. Et Éole lui-même s'étonne parfois de la diversité des noms que lui ont donné les hommes. Il m'arrive parfois, du haut de mon royaume, de compter tous les noms que m'ont donné les hommes. Sirocco par ici, Tramontane à côté, Zéphyr un peu plus loin, et ailleurs Alizé. Moi je m'appelle Lita. C'est vrai ça, une Lolita peut devenir une Miss Météo et annoncer le temps qu'il fera. Car les hommes, sans cesse soumis aux contraintes naturelles, ont mis en place des procédés incroyables pour se libérer des intempéries. Un industriel avait, en France, vers 1769, créé les parapluies publics. Il y eut plus tard de la même inspiration les parapluies omnibus. On les trouvait dans les bureaux de tabac. Vous désirez un parapluie? Un parapluie? On versait des arts, 100 sous, et l'instrument vous était prêté pour 6 sous. Êtes-vous fixé sur le genre d'article qui vous intéresse? Un parapluie. Le roi Louis-Philippe fut le premier à rendre légendaire cet objet, inspiré vers le milieu du XVIIIe siècle par la vue d'une ombrelle rapportée à la cour de Louis XV par un explorateur revenant de l'Empire de Chine et dont la trouvaille avait rendu attentive les dames de l'époque, songeant à préserver surtout leur fragile carnation de blond. Le parapluie, invention majeure, apparaît à peu près en même temps que le paratonnerre, au milieu du XVIIIe siècle. En effet, les hommes cherchent alors à s'affranchir de la tyrannie des intempéries, comme te l'explique l'historien du climat, Emmanuel Leroy Ladurie. Eh bien, par exemple, je pense à l'année 1789. Bien sûr, il y aurait eu de toute façon une révolution française, mais il est certain que l'hiver extrêmement froid de 1788-89, le mois de décembre 88, qui a pratiquement gelé les semences en terre dans une grande partie de la France, a créé une situation de disette, a affolé les paysans et les gens des villes, et au mois de juillet 89, le prix du blé monte à toute vitesse au voile de Paris, il monte de plus en plus. Et puis le maximum, c'est le 14 juillet. Alors les gens manifestent, comme vous savez, ils prennent la Bastille. Et le lendemain, c'est un jeune historien français qui a montré ça, mon ami Dupaquier. Ben, les prix du blé tombent parce que les accapareurs ont peur et ils ouvrent les greniers. Les accidents climatiques peuvent donc avoir des conséquences dramatiques pour les hommes. Ainsi, les célèbres famines du XIVe siècle s'expliquent par des précipitations excessives et les canicules, par exemple, des étés 1718-1719, firent en Europe des centaines de milliers de morts. Par ailleurs, sous le Second Empire, suite à une grosse tempête qui détruisit une quarantaine de navires français lors de la guerre de Crimée, Napoléon III commanda à Urbain Le Verrier, un réseau d'observatoires météorologiques qui vit le jour en 1856. C'est l'ancêtre de Météo France, une institution qui compte aujourd'hui 3700 salariés, des hommes et des femmes toujours au taquet, pour nous informer du temps qu'il va faire. Dehors, il tombe de la merde. De la merde cette saison ? Ça m'étonnerait. Je pense qu'il tombe de la neige. Tu as raison. C'est peut-être de la neige. Tu sais, tu devrais faire vérifier tes lunettes. La vue, c'est important. Faites vérifier vos lunettes avant l'hiver. Consultez votre ophtalgiste conseil. Ophtalmologiste. J'ai rien dit, moi. Et faites aussi vérifier les oreilles, ça coûte rien. Faites aussi vérifier les oreilles, ça coûte rien. Sauf que parfois, on a beau les entendre, les mots de la météo, on ne les comprend pas toujours. Dorsale barométrique, isobare, hectopascal ou encore zone de convergence. Eh oui, c'est compliqué le vocabulaire et les mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas le vocabulaire, c'est la réalité. Ça m'est totalement indifférent, le vocabulaire n'a pas de sens. Je ne m'accroche pas sur les mots à partir du moment où on donne une chance aux réalités. Ah non, les mots ont un sens. Ils doivent l'avoir pour vous, s'ils l'ont pour moi. C'est là toute la différence. Non mais quand ça fait mal, il ne faut pas protester tout de suite. Parce que ça se voit. Bon. Et oui, ça se voit tout de suite quand les contraires entrent en contact. Comme par exemple une averse sous un ciel bleu, une tempête de sable sur la banquise ou encore quand une chauve-souris tombe amoureuse d'un parapluie. Une chauve-souris aimait un grand parapluie noir découpé dans la nuit. Par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir, pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit, qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres, pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servi de balancier, un vendeur de cravates le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris aimait un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir, où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie venait au Père Lachaise, une vie de bâton de chaise. La chauve-souris, interprétée par Thomas Fersen, version ukulélé, parce que Quand Mémé a été chez le coiffeur, faire ses nouveaux soins capillaires, brushing et mise en plis, elle redoute plus que tout la pluie. Alors que Pépé qui est chauve-souris. Alors, après avoir survolé l'histoire des relations que les hommes entretiennent avec le temps qu'il fait, il est temps désormais de nous intéresser durant quelques minutes à ce moment clé de ton quotidien, le bulletin météo, bien sûr, avec sa farandole de présentateurs, dont certains sont devenus mythiques. Albert Simon, vous êtes un homme prudent. Vous nous dites que cet été 1967 ne sera ni aussi beau que celui de 1964, ni aussi mauvais que celui de 1965. Alors expliquez-vous. Par rapport à 1966, les mois de juin et juillet seront plus ensoleillés et plus chauds. Les mois d'août et septembre, moins beaux. Début de la saison, très chaud. Et si vous voulez savoir le temps qu'il fera le 22 mars 2285, dimanche de Pâques, même si les journaux écrivent « Voici venir la grande marée du 23e siècle », Albert Simon vous dit simplement « Giboulée et tempête ». D'ici là, autant en emporte le vent. Seigneur météo, quando dit qu'il fait bon, Seigneur météo, Seulement voilà, mon ami, le véritable problème avec le bulletin météo, c'est de savoir si l'on peut réellement faire confiance au nouveau prophète des cieux. Avant tout, connais-tu cette vieille tradition tchèque selon laquelle la marmotte, après son long sommeil hivernal, sort de son trou tous les ans, le 2 février précisément. Et là, si la marmotte aperçoit son ombre, autrement dit, s'il y a du soleil, eh bien, elle retourne immédiatement dans son terrier, mes mères, et il faut alors s'attendre à 6 semaines d'hiver supplémentaires. En revanche, si le temps est nuageux, figure-toi qu'elle reste en surface, car elle sait mieux que personne l'arrivée prochaine du printemps. Foutaises et balivernes, me diras-tu. Peut-être, mais sais-tu que parfois, l'authentique et scientifique bulletin météo n'est guère plus fiable que la marmotte tchèque. Bon, alors là, Evine Delia, là, nous prévoit... J'habite Quimper, hein, Quimper. Pour être breton, Quimper, c'est Quimper. Hein, c'est pas plus breton que ça. Alors, déjà qu'on n'arrête pas de dire que la Bretagne, il pleut tout le temps, je regarde la météo, ils nous annoncent de la flotte toute la journée, du matin jusqu'au soir, de la flotte. Il y en a marre. Il n'y a pas une goutte de flotte depuis le matin. Il fait beau, il y a grand soleil. Comment on peut se planter à ce point-là, nom de Dieu? Hein, comment ils font leurs prévisions? C'est dans le marc de café? C'est en tournant des pendules? C'est en quoi? C'est en plumant un poulet? Moi, je sais pas, moi. Comment ils font leurs prévisions? Bon, parce que pour se planter à ce point-là, faut être fort, quand même, nom de Dieu. Il n'y a pas eu une goutte de flotte, une goutte de pluie, rien, pas une averse. Il y a grand soleil. Je sais pas, hein, comment ils font les prévisions. Ah non, Quimper, nous, on en a ras la crêpe, hein. Oui, ras la crêpe. Car en effet, malgré les soi-disant progrès technologiques, les bulletins météo continuent parfois de se vautrer et perpétuent ainsi de redoutables et dommageables clichés. La sublime ville de Londres, par exemple, est systématiquement associée au brouillard. Eh bien là encore, Jesus, c'est excessif. Hier soir, dans les rues de Londres, si l'on tendait le bras, paraît-il, on ne voyait pas sa main, tant le brouillard était épais. Un grand cinéma de la capitale britannique où l'on passait un film de Brigitte Bardot a dû interrompre ses représentations. Les charmes opulents de notre chère vedette étaient dévorés par le brouillard avant d'arriver sur l'écran. Collision de bateaux, de voitures, de personnes aussi. Madame Mortimer est entrée en contact violent à 21h37 avec un agent de police qui tentait de régler la circulation. Madame Mortimer avait la bouche grande ouverte pour respirer. Lorsqu'elle la referma, il y avait à l'intérieur 2 doigts de la main de l'agent de police. Fort heureusement, le représentant de l'ordre n'était que légèrement blessé. Il était le premier à rire, paraît-il, de sa mésaventure. Si le brouillard fait rire les Anglais, où allons-nous? Oui, où allons-nous, bon sang? Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, n'importe qui s'imagine présenter la météo. Tout le monde se dit, c'est un tremplin génial. Genre, Christophe de Chavannes, là. Il a commencé comme ça, hein. Alors pourquoi pas moi, oh? Mais alors qui croire, bon sang, quand il s'agit des prévisions météorologiques? Comment faire lorsqu'il faut choisir ses fringues pour le lendemain? Eh bien, lorsqu'on cherche à connaître les véritables évolutions du climat à venir, sache que le meilleur bulletin météo demeure sans aucun doute celui qu'établissent pour toi ceux qui possèdent ce merveilleux pouvoir, au final, de faire la pluie et le beau temps, tout simplement. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, l'événement politique du jour. Coup d'œil aux prévisions météo de Nicolas Sarkozy. Et je sais parfaitement qu'on m'attend sur ce rendez-vous. Qui nous annonce encore beaucoup de nuages. Alors il faut inscrire la politique dans la longue durée et dans la profondeur d'un projet de civilisation. Mais attention au risque d'avalanche. C'est du sérieux et c'est pas le JDD qui fixera la date. On en a marre. On voudrait larguer les amarres. Le problème français est connu. Que les vents soient porteurs ou qu'ils soient de face ne change rien au diagnostic. Ça rend la marche un peu plus difficile. Mais ça ne change rien à la stratégie. Bon, alors maintenant, après avoir constaté donc que le bulletin officiel de la météo peut être un exercice de style très particulier, où finalement prévoir le temps est avant tout une vision du monde propre à soi, eh bien dès lors, nous avons pensé qu'il fallait rendre hommage au plus grand spécialiste du genre, justement, à savoir Michel Cardoz, bien sûr. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Bonsoir à ma boutonnière ce soir, un myosotis ampelopsis alopticus de la famille des Garbitacées, autrement dit un pissenlit. Eh bien, qu'est-ce que notre fleur va augurer pour notre climat hexagonal de demain? C'est ce que nous allons savoir tout de suite en nous retournant vers la carte qu'il faut étudier avec prudence et circonspection. Aurons-nous un ciel bas et lourd, comme l'affectionnait tant notre poète tant aimé national Charles Baudelaire, ou encore des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril, comme l'a si bien chanté le camarade Jacques Brel? Eh bien, là est la question. Comme l'aurait mieux dit que moi, Hamlet, en pleine errance sur les remparts d'Elseneur. Alors, pour... oui, ne tombons pas pour autant dans un scepticisme kantien, ni encore moins dans un nihilisme digne de Gorgias le sophiste, mais dirigeons-nous plutôt vers un intuitionnisme digne de son créateur, Bergson, selon lequel, vous ne l'ignorez pas, il existe le une... Le temps, on peut savoir le temps. Une démarche discursive opposée à la... Alors, le temps. Pour demain, samedi 20 octobre 1990, sur notre calendrier grégorien, et grégorien parce que c'est le pape Grégoire XIII qui l'a créé et qui a annulé le calendrier julien en 1582. Parce que, voyez... Alors le temps, t'as dit, le temps. Alors j'y arrive tout de suite. Le temps pour demain, donc, nous avons le nord, berceau d'Émile Verhaeren, ce n'est pas n'importe qui. Nous avons également le sud-ouest avec Tarascon, le temps reculant Tartarin de Tarascon. Et puis également le Pays Basque, où Federico Garcia Lorquez y Pérez a puisé toute sa délicieuse inspiration. Attends, je ne comprends pas, le temps, on te demande le temps. Alors, écoutez-moi, camarade, la culture et la météorologie ne sont pas incompatibles. Ouais, et mon coup de boule, ça va être incompatible? Coup de boule vient du latin coup de boulus. Et... le temps. Your house of cards is trembling all around you with its feet of clay, and you pretend that it doesn't matter and that you're not scared. Oh, here comes that day. For a life of insincerity. acid life, a complicated, only pleasant tree. And like a fool, you thought life could be cheated of life's reality. Here comes that day, c'est ce que fredonne Siouxsie, parce que quand commence le jour de ton mariage et que tu mates le temps qu'il fait, tu as du Siouxsie si cet orage au désespoir. Mais bon, le mieux, c'est de se rencarder la veille à la télé. Service après-vente, bonjour. Oui, vous avez vu la nouvelle météo de France 2? Oui, c'est incroyable. C'est excellent. Oui. Et vas-y que je bascule, oui. Je zoome, ça glisse le long des côtes. Oui. Franchement, c'est une réussite. Ah, hein. Oui. Moi, à chaque fois, je vomis. Oui, et moi, j'ai des gobies. Ah bah c'est... c'est bien. Alors maintenant, afin de prolonger notre périple climatique, prenons le temps de redécouvrir ensemble ce célèbre épisode biblique, cette incroyable histoire de déluge dont on redoute aujourd'hui un remake au Parti Socialiste. La Genèse nous apprend ceci. L'Éternel, autrement dit François Mitterrand, constata que la méchanceté des socialistes était grande rue de Solferino et que toutes les pensées de leur cœur allaient à l'encontre de son testament. L'Éternel se repentit d'avoir laissé ce socialisme-là sur la terre et il fut affligé en son cœur. Seul Delanoé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. C'est alors que Dieu décida de faire pleuvoir sur Solferino 40 jours et 40 nuits afin de chasser les mauvais esprits. Mais avant le déluge, l'Éternel le convoqua Bertrand Delanoé et lui dit ceci. Noé, j'ai une tâche très importante à te confier. Tu vas construire une arche longue de 300 coudées. Construire quoi ? En bois résineux. En bois résineux ? Mais je ne suis pas charpentier. 300 coudées de long ? Ça fait un bateau énorme, gigantesque. Je pense grand. J'ai fait le monde en 6 jours. Mais comment je vais pouvoir... Tu vois ce bâton devant toi ? Oui, celui-là. Prends-le. Et maintenant, trace une longue ligne droite. Conscient de l'immensité de la tâche que venait de lui confier l'Éternel, Delanoé décida d'aller révéler à Ségolène Royal cette lourde menace qui pesait sur les socialistes. Ensemble, peut-être, parviendrait-il à éviter le déluge. Seulement voilà, Madame Royal lui rétorqua qu'elle ne craignait plus aucune intempérie, car pour elle, la campagne présidentielle fut, comment dire... Comme un ouragan qui est passé sur moi, l'amour a tout emporté. Dévasté ma vie, des larmes enfuies, qu'on ne peut plus arrêter. Comme un ouragan, la tempête en moi, avalée et le passé. Allumer ma vie, c'est un incendie, qu'on ne peut plus arrêter. De toute évidence, Delanoé prit conscience que son arche se construirait sans le soutien de Madame Royale. Et puis, mardi, l'air se rafraîchit, le ciel s'assombrit et commença la pluie. Au sein du bureau politique, devant ses camarades, Delannoy prit alors la décision d'évoquer la menace divine qui pesait désormais sur chacun de leurs destins. Mais la jovialité du monsieur Hollande ne fut point entamée par cette météo déplorable. « Sale temps, les mouches pètent. Ah, la vache, quel temps de chiottes. À l'heure où je vous parle, j'ai les bonbons racornis et la stalactite tellement rétractée qu'on dirait un hermaphrodite de Praxitèle. C'est pas pour me vanter, mesdames et messieurs, mais il fait vraiment un temps à pas mettre un socialiste dehors. Même à Cannes, il fait un froid de poule et à la Napoule, il fait un froid de canard, il n'y a plus de saison. Ah, c'est vraiment pas un jour à courtiser la gueuse sous les portes cochères. Comme le dit si judicieusement le vieux dicton Berrichon, frisquette en novembre, bistouquette en pente. C'est simple, dans l'état où vous me voyez, je suis réduit à l'impuissance avec mes fesses froides et mon gilet pétré. Furieux de la légèreté avec laquelle François Hollande considérait cette menace du déluge, Delannoy décida de lui faire comprendre alors la réalité de ce châtiment. Afin que tu saches réellement que c'est l'œuvre de Dieu, et puisque ton cœur reste endurci, tu verras la grêle tomber d'un ciel limpide et brûler sur le sol comme du feu. Tu verras les ténèbres quand le soleil sera à son zénith. Alors tu sauras que Dieu est Dieu et tu plieras devant sa volonté. Prends garde, la grêle approche. Les eaux grossirent et s'accrurent énormément. Bientôt, le rez-de-chaussée de Solferino fut inondé. Mais là encore, curieusement, Ségolène Royal semblait s'en réjouir. La pluie tombe, mais moi je bénis ce déluge. La pluie tombe et chante sur le toit des maisons. Viens courir et sauter les flacons. Effrayé par l'inconscience de ses camarades, Delannoy décida d'achever immédiatement son arche afin de se mettre à l'abri de cette pluie diluvienne. L'arche flotta sur la surface des eaux et une fois monté à bord, sous ce terrible déluge, Delannoy tenta de se rassurer. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. » Pendant que ces pluies torrentielles engloutissaient l'immeuble de Solferino, Ségolène Royal, qui pensait profiter de cette grosse intempérie, une fois revenu l'embellie, décida, en attendant que le déluge cesse, d'aller trouver refuge chez François Bayrou, qui lui, plutôt en pleine traversée du désert, fut ravi d'être son parapluie dans la perspective d'une future alliance. Il est mignon, François. Nous n'aurons plus jamais un jour de pluie. Je ne vois plus que toi, toi, toi, toi et le soleil. À la réflexion, et sous cette pluie incessante, Ségolène fut séduite par la déclaration de François Bayrou. D'ailleurs, elle lui fit remarquer que ce déluge serait enfin peut-être l'occasion de se débarrasser des éléphants socialistes et de fonder ensemble un nouveau parti. C'est vraiment mignon tout ça. Après toutes ces années, merci, font oublier la pluie. Après ce long désert, traversé en hiver. Oh, je fais de toi. Oui, Seulement voilà, le châtiment de l'Éternel fut tel que personne, bien entendu, hormis l'Arche de la Noé, n'allait pouvoir échapper à son courroux pluvieux. C'est ainsi qu'hier après-midi, les eaux s'élevèrent encore de 15 coudées, et c'est là que les ténors socialistes prirent enfin conscience du drame qui était en train de se jouer. Pris de panique, ils se ruèrent vers l'Arche, François Hollande en tête. « Je prends ton bateau d'assaut !» Je ne toucherai à personne. C'est promis, juré. Je ne le tolérerai pas. Tu verras bien, vieux frère. Tous à l'abordage. L'Arche prise d'assaut, dans cette panique générale, aujourd'hui, nul ne sait quels seront les socialistes sauvés des eaux. En restera-t-il, d'ailleurs ? De passage hier à Paris, Tony Blair fut stupéfait par ce terrifiant déluge qui frappait ses camarades français. D'ailleurs, en coulisses, Tony Blair a confié à ses hôtes qu'à ses yeux, les dirigeants socialistes français, eh ben, à présent, ce sont surtout des... Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. Le déluge se poursuit toujours rue de Solferino et Ségolène Royal se persuade d'être au chaud dans le giron de François Bayrou. Tous les deux patientent à l'affût de l'embellie. Mais il ne faut jamais oublier que l'Éternel est omnipotent, omniprésent et omniscient. Mais pour l'instant, François Bayrou feint de l'ignorer et préfère se dire que lorsqu'il pleuvait fort sur la grande route, Ségolène cheminait sans parapluie et lui, il en avait un, volé sans doute le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, il lui a proposé un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle lui a dit oui. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un, volé sans doute. Le matin même à un ami, courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, mais je ne perdais pas aux chances, mardi. Et bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Et un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Et un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change mardi. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Le parapluie, un classique de Georges Brassens, mais réinterprété par Johnny. Parce qu'à l'idée d'une grosse pluie, je n'ai qu'une envie, me planquer sous le parapluie. Alors maintenant, il est grand beau temps de retrouver nos deux héros imperméabilisés, l'anticyclone Jean-Claude et la dépression atmosphérique Monique, qui ont vécu cette semaine une bien étrange aventure climatique. En effet, depuis quelque temps déjà, Rémi, le fils de Monique et Jean-Claude, a développé une véritable obsession. Il veut absolument savoir à l'avance le temps qu'il fera. Résultat, il passe ses journées à mater les bulletins météo à la télé. Ses parents sont bien sûr un peu tracassés par cette nouvelle manie, à tel point d'ailleurs qu'ils ont envoyé Rémi faire des analyses médicales. Ça alors, c'est curieux. La prise de sang a révélé une hypokaliémie. Oui, qu'est-ce que c'est ? C'est un déséquilibre chimique caractérisé par un faible taux de potassium et un fort taux de sodium. Des électrolytes, c'est ça ? Oui. Et que font les électrolytes ? Eh bien, entre autres, ils génèrent dans nos organismes toutes les impulsions électriques, comme par exemple celle du cœur ou des neurones. J'ai compris, mais imagine que le déséquilibre électrolytique lui permette de générer de l'électricité à un niveau plus élevé que la normale. C'est pas comme ça que fonctionne le corps. À moins que son corps ne soit anormalement conductible, car si cette empreinte est la sienne, ça veut dire qu'il a conduit des millions de vols dans le sol et qu'ensuite il est parti comme si de rien n'était. Tu veux dire qu'il est une sorte de paratonnerre ? Je veux dire que c'est lui la foudre. Rémi serait donc un paratonnerre. Mais c'est formidable ça, se dit Jean-Claude, qui soudain a une idée lumineuse. Si son fils est capable de déclencher des orages, il va pouvoir l'utiliser dans un but bien précis. Sauf qu'Elsa, la sœur de Rémi, explique à ses parents les véritables raisons qui conduisent son frangin à regarder sans cesse les bulletins météo à la télé. Un temps sec et chaud, nous devrions enfin atteindre les moyennes saisonnières avec des températures avoisinant les 25 degrés. Quelques nuages néanmoins. C'est donc la fille de la météo qui intéresse surtout Rémi. Jean-Claude n'en revient pas, lui qui espérait de tout cœur que son fils puisse faire pleuvoir. D'ailleurs, Jean-Claude a alors interrogé Rémi sur cette manie et le môme lui a tout avoué. Je n'avais jamais rien eu à foutre des prévisions météo. Maintenant, je les prends très au sérieux. Dès qu'il pleut, qu'il y a du tonnerre ou de l'orage, ou qu'il neige, il faut que je me branle. Ah ouais, pardon. Rémi est donc un vrai paratonnerre, mais Jean-Claude n'en dit trop rien, parce que lui aussi, dans sa jeunesse, il a vécu une intense aventure amoureuse, solitaire et cathodique, avec une jeune speakerine. Cependant, les aveux de Rémi n'arrangent pas du tout les affaires du Jean-Claude, qui veut toujours réaliser son mystérieux projet et pour lequel il a impérativement besoin de la pluie. Et dans la famille, chacun le soutient à sa manière, même Elsa. La pression tombe, l'humidité s'élève à plus de 80%, le vent augmente. Ah, voilà, c'est ça, chapitre 2. Donc votre pression est en train de tomber. Ah ! Papa, réveille-toi ! Hein ? Ok, et quoi ? Il y a un ouragan qui approche ! Qu'est-ce qu'il y a, le chien ? Un feu ? Un tremblement de terre ? Des hippies ? Ah ! Un ouragan ! C'est drôle, les animaux, ils sont toujours au courant avant tout le monde. Un ouragan. Jean-Claude est surexcité à l'idée de l'averse qui s'annonce et imagine déjà qu'il va pouvoir enfin réaliser ses projets. Mais dans la famille, personne ne comprend vraiment pourquoi Jean-Claude semble soudain si pressé de voir tomber la pluie. D'ailleurs, pour confirmer les observations météorologiques d'Elsa, Jean-Claude allume sa radio pour écouter Joël Collado. Les services météo nous recommandent de bien nous cramponner avant l'assaut de l'ouragan Barbara. Et si vous trouvez sexiste de donner un nom féminin à un ouragan dévastateur, c'est que vous n'avez jamais vu des femmes se disputer une robe dans une boutique un jour de solde. Quand elle entend cette remarque misogyne, Monique hausse les épaules et d'ailleurs, ça lui fait un peu mal puisqu'elle a des contusions depuis qu'elle a couru les magasins mercredi dernier pour les soldes. Jean-Claude, lui, de son côté, est de plus en plus émoustillé par ces gros nuages qui s'amoncellent dans le ciel. Le ciel est chargé de nuages bas, la pluie va tomber sur nos mains, sur nos bras. Le ciel est chargé de nuages bas, la pluie va tomber sur nos mains, sur nos bras. Le vent crie de loin, sa plainte sonore, comme un hymne ancien qui pleure les morts. Le vent crie de loin, sa plainte sonore, comme un hymne ancien qui pleure les morts. Monique, elle aussi, pleure de joie maintenant quand elle apprend qu'il va bientôt pleuvoir. Car depuis que Jean-Claude lui a confié dans le creux de l'oreille son mystérieux projet, elle n'attend qu'une seule chose, une énorme tempête, et cela, quelles qu'en soient les conséquences. Sur la route de Bélicourt, à la sortie de la commune, s'est abattue une pluie de grenouilles. Les grenouilles, qui avaient en moyenne 3 cm de longueur, couvraient la route en nombre incalculable. Jugeant leur position dangereuse, elles ont préféré quitter la route et gagner rapidement les herbes des fossés. Comment les grenouilles sont-elles amenées à effectuer des vols de groupe? Oui, je vous le demande. Vous savez, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Heureusement, toutefois, qu'il ne s'agit que d'animaux de 3 cm de long. Oui, oui. Et en effet, quelques minutes plus tard, la pluie s'abat sur Grosboule-les-Bains, une averse soudaine et intense. Dès les premières gouttes, Jean-Claude se précipite hors de la maison et saute dans sa voiture. Monique, restée à l'intérieur, le nez collé au carreau, le regarde s'éloigner. Mon chéri, je ne sais pas pour combien d'heures nous sommes bloqués ici. Le temps est si mauvais. Mon chéri, irrésistiblement mes pensées reviennent vers toi. Ici, l'été est bien fini et je repense à nous. À nos vacances, à notre été. C'était merveilleux. Je suis seule. La pluie frappe mes carreaux et je nous revois. On nageait dans les vagues et tes bras me serraient dans l'eau. Je n'oublierai jamais, tu sais. Et aujourd'hui, mes souvenirs sont plus présents que jamais. Mon chéri, je t'aime. Je t'aime. Et plus que jamais, Monique se sent en totale symbiose avec son Jean-Claude. Et même Elsa fait tout pour être proche de la nouvelle passion de son père pour la pluie, au point qu'elle en modifie même sa discothèque. Sous la pluie, Jennifer chante la météo. S'exposer un peu plus sous la pluie. Et se mouiller parce qu'on n'a pas de parapluie. Découvrez aussi Sous la grêle. Sous la grêle. S'exposer un peu plus sous la grêle. Des morceaux de glace en plein dans la face. Jennifer chante la météo, un disque recommandé par Catherine Laborde et Sébastien Follin. Et faut l'intervention de la gendarmerie qui l'aborde alors qu'il roule à pleine vitesse sur l'autoroute pour stopper le Jean-Claude dans son élan hallucinant. Gendarmerie nationale, vos papiers s'il vous plaît. Demande le brigadier à Jean-Claude. Et quand la maréchaussée exige qu'il ouvre son coffre, c'est la stupeur. Il est rempli de parapluies que Jean-Claude comptait refourguer sur le marché, histoire de se refaire un peu de blé après les fêtes de fin d'année. Et Jean-Claude explique alors aux gendarmes que, bon, s'ils veulent, ben, ils peuvent choisir, quoi. Alors nous avons le 48 à 8 baleines, le 56 à 10 baleines, le 60 à 8 et 10 baleines pour les dames, et notre fameux 63 à 8 et 10 baleines que vous connaissez sûrement et qui est notre cheval de bataille. Tout ça dans une gamme de coloris très large, ça va du noir classique au rouge vif en passant par les jaunes et les verts dégradés. Parapluie plat, parapluie rond, parapluie doublé à baleinage invisible, bavolé arrondi, ombrelle de Thaïlande et notre parapluie d'ecclésiastique, modèle standard que nous faisons dans les dimensions habituelles mais dans une gamme de coloris très variée et très jeune. Et poignée Java gainé cuir, très classique, plastique noir, merisier, bois exotique, bambou, imitation bambou et toute notre collection de styles champêtres dont vous pouvez admirer les couleurs particulièrement chatoyantes. Les gendarmes sont fascinés par la richesse de cette gamme offerte à leurs yeux. Ils prendraient bien une ombrelle en dentelle, mais bon, la loi, c'est la loi. Jean-Claude n'a pas de patente et les gendarmes lui confisquent sa marchandise. Voilà, fin de l'histoire. Jean-Claude, qui attendait la pluie pour vendre ses parapluies, est complètement marri. Mais bon, pour ne pas rester sur une image décevante des intempéries, Jean-Claude décide que dorénavant, il regardera, tout comme Rémi, le bulletin météo, une main sur la télécommande. Mais tout le dimanche, je ne suis qu'à toi. Je suis au service météo de France. Et toutes ces filles sur qui je me penche, ce sont des cyclones, ce sont des typhons. Enfin je questionne jusqu'à l'obsession. Dans ma cage de verre climatisée, je ne vois du monde que des clichés. Je vais à l'allon exploser. Lundi Caroline, mardi Véronique, mercredi Céline, jeudi Angélique, vendredi Pervenche, samedi Josépha. Oui, mais tout le dimanche, je ne suis qu'à toi. Je connais leur ligne qui part des tropiques. tourbillon qui t'emportera dans le soleil. Tu verras, nous volerons vers les îles lumières. Je serai pour toi le ciel. Nous ne verrons plus la fin du jour. Le dimanche est bien trop court. Disco Météo, ce fut le bulletin de Claude François en 1977, c'est-à-dire tout juste un an après que Claude ait suffoqué sous la célèbre canicule. Et un an avant qu'il ne soit foudroyé, malheureusement. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre analyse du temps qu'il fait. Des pluies diluviennes aux averses de grenouilles, des parapluies du Jean-Claude à l'Arche de la Noé et du Sirocco puissant aux Vierges du Soleil, nous t'avons offert ce matin un bulletin météorologique particulier, totalement incomplet, et complètement subjectif, bien sûr. Alors, pour achever cette analyse atmosphérique, la panique au Mangin Palace va t'offrir maintenant l'incontournable météo marine après le rendez-vous de ce matin à 6h55 sur les ondes moyennes. Alors, allons-y. Pour la zone Humbert-Matignon, vent de plein ouest dans sa face, force de 4 à 5, passagèrement force 6, mollissant 2 à 3 cette nuit, mer sociale agitée. Pour la zone Est-Centre-Gascogne-Modem, vent de force molle, fraîchissant moyennement, mer peu agitée, voire vraiment pas agitée du tout. Pour la zone Est-Cabrera-Colonel Fabien, grosse dépression, vent de force nulle, cette zone pourrait d'ailleurs bientôt disparaître de nos prévisions. Et enfin pour la zone Ouest-Cantabrique-Solferino, ben, grand plat, vent de force 0 à 1, mollissant même en fin d'après-midi. Mais bon, visiblement là-bas, franchement, ils n'ont pas l'air très inquiets. I'm singing in the rain. Just singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. C'était Jane Kelly qui chantait sous la pluie en 1952. Voilà, fin du 186e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était une rediffusion intitulée « C'est quoi la météo ?» revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h et de retour en direct sur France Inter pour de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite, les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier, aux platines, au montage et à la réalisation. Il y avait bien sûr ce matin H2M, Henri Marc Mutel, merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Ludovic Asselot, merci à lui pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses. On dit merci beaucoup à Flora Bernard, merci Flora. Pour les Scuds et toutes ses trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci enfin aux documentalistes de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter après le flash. Vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, on vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2010 et on se retrouve dès samedi prochain pour la cellule de dégrisement, l'actualité culturelle à la sauce panique, mais aussi dimanche prochain à 11h et de retour en direct sur France Inter pour les nouvelles aventures du Mangin Palace. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.